Alors, donc, nous allons reprendre avec un exposé d'André Charrac. André Charrac, qui est un spécialiste de l'âge classique et de la philosophie moderne et qui nous a fait le plaisir de nous donner un entretien pour le numéro sur le système de numéro de labyrinthe. Voilà, et qui va nous parler donc de la théorie musicale du système à la structure. Nous vous écoutons. Je vous remercie. Je tiens d'abord à dire ma gratitude aux deux organisatrices de cette journée, Marion Chetin et Elodie Cassan, dont j'admire beaucoup les travaux par ailleurs, à toutes les deux, et spécialement là à Elodie Cassan, qui a eu la gentillesse de m'aider un peu dans la compréhension de ce que je tâche de faire en conduisant l'entretien auquel il vient d'être fait référence. L'enjeu de la contribution que je vous propose. Et bon, c'est très modeste, hein. Enfin, je veux dire, ce sont quelques remarques destinées à nous faire, c'est-à-dire quelques pas dans la compréhension de ce que signifie l'exigence systématique, ou en tout cas à me faire faire quelques pas, mais en considérant la situation où, au fond, l'affirmation de cette exigence est la plus nette, c'est-à-dire lorsqu'elle s'applique à des théories positives constituées, à des théories qui existent, pour révéler ou prétendre révéler le principe de leur systématicité. Le cas que j'ai retenu est, comme l'indique le titre, celui de la théorie musicale, saisie dans l'un de ses plus grands moments, c'est-à-dire la théorie harmonique de Rameau. Alors, je n'en reprendrai évidemment, rassurez-vous, je n'en reprendrai pas l'examen technique, bien qu'il soit présumé par une entreprise du type de celle que je vous offre et que je l'ai conduit par ailleurs. Les philosophes ne sont plus guère familiers de la théorie musicale, mais pour ceux qui ne s'y repèrent pas vraiment, il s'agit de quelque chose. La théorie harmonique de Rameau, dans l'histoire de la théorie musicale, a une importance très considérable. C'est quelque chose comme le moment kantien en philosophie ou la théorie des ensembles en mathématiques. Hein. C'est vraiment quelque chose d'immense. La raison de ce choix réside en ceci, que ce moment précis de l'histoire de la théorie musicale, la théorie de Rameau, a fait l'objet, justement, de deux interprétations majeures en termes de système. Il est intéressant de les suivre. Deux interprétations fort distantes l'une de l'autre. La méthode analytique de Condillac, qui nous place au cœur du XVIIIe siècle, qui réunit les contributions d'aujourd'hui. Et l'analyse structurale de Claude Lévi-Strauss, encore que la tentative de Lévi-Strauss ait été sur ce point très souvent méconnue. Pour vous en convaincre, je me contente d'une citation très brève d'un texte assez tardif de Lévi-Strauss, mais enfin on peut en produire d'autres, dans « Regardez, écoutez, lire », et vous verrez que cette citation est loin d'être la plus nette. « En France, en plein XVIIIe siècle, les principes sur lesquels Saussure fondera la linguistique structurale sont clairement énoncés, mais à propos de la musique. » Ça, c'est à propos de Jean-Philippe Rameau. Alors, la thèse que j'aimerais vous soumettre est que, en réalité, la compréhension de cette exigence systématique appliquée à des théories positives ne peut être qu'historique. Alors, d'abord Condillac. Je vais aller assez vite, hein, puisque nous avons un quart d'heure. Et si vous voulez des précisions techniques, je les donnerai dans l'entretien, ensuite dans la conversation. Dans le traité des systèmes de 1749, là encore un ouvrage qui est au centre de nos préoccupations, Condillac tire le bilan des applications de la méthode analytique. Méthode analytique qu'il a promue et qu'il lègue à toutes les Lumières françaises. Et il avoue que sa propre tentative en métaphysique, exposée dans l'essai sur l'origine des connaissances humaines, est peu satisfaisante. Je ne vais pas rentrer sur les raisons de cette autocritique, elle a été souvent analysée. Étant peu satisfaisante, il faut bien donner un échantillon de la fécondité de cette méthode analytique. Condillac en donne deux, très brièvement, les hypothèses de Warburton sur les hiéroglyphes, très brièvement, hypothèses évidemment auxquelles nous ne pouvons pas prêter la même attention, puisque ça fait partie de ces moments d'immense invention théorique qu'une révolution survenue quelques décennies plus tard disqualifie en apparence. Et la théorie harmonique de Rameau. Avant tout, la théorie harmonique de Rameau. Alors, je vais ici apporter deux très brèves précisions, mais enfin, véritablement lapidaires. D'abord, chez Condillac, je le rappelle à ceux qui n'ont pas les textes de l'abbé en tête, le modèle du système bien fondé, chez Condillac donc, et chez ses successeurs encyclopédistes, même lorsqu'il se démarque de Condillac sur certains points, je songe à D'Alembert. Le modèle de du système bien fondé est celui qui conforme l'ordre d'exposition à l'ordre d'invention, autrement dit celui qui repose sur l'analyse, et il s'oppose aux exposés synthétiques, more geometricaux, qui partent de principes généraux. Ça, c'est la position, caractérisation minimale de la position de Condillac sur les systèmes. À cette opposition entre analyse et synthèse, vous pouvez faire correspondre l'opposition chez D'Alembert entre esprit systématique, qui sait procéder à des analyses bien conduites, et esprit de système, qui part de principes dont la généralité est restée ininterrogée. Deuxième précision. Pourquoi est-ce que Condillac estime que la théorie harmonique de Rameau incarne la plus grande réussite dans l'application de la méthode analytique? Je suis obligé de vous en dire un mot. Ce qui, dans la théorie ramiste, intéresse à proprement parler la théorie musicale, a été établi dès 1722 dans un ouvrage intitulé « Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels ». Ce n'est pas à cet ouvrage que se réfère Condillac, mais à des travaux ultérieurs de Rameau, particuliers à la génération harmonique de 1737, où le théoricien prétend apporter au système de l'harmonie qu'il a défini en 22 un véritable fondement en recourant à l'expérience et à des expériences d'acoustique, à des expériences de résonance. Alors, pour ceux que ça intéresse, l'expérience de départ, la fortune de l'interprétation de cette expérience se lit jusqu'au XXe siècle. L'expérience de départ, c'est la résonance de la série harmonique supérieure, c'est-à-dire, et ça c'est un point très important, mais théoriquement vous verrez pourquoi ensuite, le fait qu'un son n'est jamais seul, mais accompagné de ses harmoniques, et il se trouve, c'est un hasard bien heureux, évidemment ça n'en est pas tout à fait un, que ces harmoniques forment, sous réserve de transformation dont je vous épargne l'examen, l'accord parfait majeur, c'est-à-dire le pivot de l'harmonie moderne. De là, Rameau prétend tirer le principe sensible du système complet de l'harmonie. Alors, telle qu'elle est reconstruite dans le traité des systèmes, la tentative de Rameau se lit donc, pour un Condillac, comme la dérivation ordonnée de toutes les ressources de l'harmonie, de toute la théorie harmonique, à partir de la perception du son, accompagnée de ces harmoniques. En sorte que, l'ordre naturel de l'invention, que Condillac présume sous-jacent dans la démarche du musicien, se constitue en réalité, factuellement, en renversant l'ordre factuel d'élaboration du système de musique. Je vais revenir sur ce point. C'est-à-dire, en réalité, Condillac donne comme l'ordre naturel de l'invention quelque chose qui n'a été découvert par Rameau que bien des années après avoir apporté sa plus grande contribution à la théorie musicale. Et c'est ainsi que Rameau aurait explicité la série des transformations, le terme est d'importance, vous verrez pourquoi tout à l'heure, qui, à partir d'une expérience déterminée, permet de construire l'ensemble des règles relatives à l'harmonie. Et je cite cet unique passage du traité des systèmes, chapitre 17, en insistant bien sur le fait qu'il suit l'autocritique de Condillac. Monsieur Rameau a fait sur la génération harmonique un système qui pourrait me servir d'exemple. Il y réduit tout à l'harmonie du corps sonore, c'est-à-dire à cette résonance primitive, donnée dans une perception. En effet, il est évident que l'harmonie ne consiste que dans un son qui fait entendre ses harmoniques, auparavant ce n'est que du bruit. Ainsi, quand on observera analytiquement toutes les variations que la combinaison et le mouvement font essuyer à cette harmonie, on la verra se transformer dans tous les phénomènes qui paraissent n'avoir d'autres règles que l'imagination du musicien. Donc, des tas de phénomènes qui paraissaient dispersés, d'un seul coup se mettent en ordre. Si ce système souffre des difficultés, c'est que les parties n'en ont pas encore été toutes bien analysées. Citation fondamentale donc du chapitre 17 du traité des systèmes. Alors, il n'est pas très étonnant que, résumé comme ça, la théorie harmonique ait si fortement frappé Condillac. Le système extraordinairement élaboré dans lequel Rameau met en ordre toutes les règles caractéristiques, toutes les règles caractéristiques de l'avènement de ce qu'on appellera au XIXe siècle la tonalité harmonique. Toutes les règles ainsi exposées auraient bel et bien pour principe l'expérience donnée au commencement de la perception du son musical. Et il est de fait d'ailleurs que, rétrospectivement, Rameau lui-même présentera sa découverte dans ces termes-là. Je cite un texte à vocation pédagogique et presque un prospectus, si vous voulez, que Rameau donne en 1750, démonstration du principe de l'harmonie. On soupçonne d'ailleurs que Diderot l'a aidé à l'écrire en bon français. Rameau est un musicien merveilleux, mais c'est un vilain écrivain. Reconnaissons donc l'harmonie comme un effet naturel qui résulte de la résonance de chaque corps sonore en particulier. C'est de là qu'elle tire son origine. Alors, l'exemple le plus fameux, je ne l'examinerai pas ici, mais qui évidemment ne peut que frapper des philosophes qui savent quelque chose en musique, l'exemple le plus fameux, et qui permet d'affirmer la priorité de l'harmonie sur la mélodie, c'est tout simplement la génération de la première mélodie. C'est-à-dire la gamme diatonique qu'on peut, par une série de transformations, engendrer à partir du phénomène de résonance. L'analyse de la perception du son appréciable nous éclaire ainsi sur le vrai principe du système de musique reçu dans l'usage. L'expérience sensible de l'harmonie des sons précède l'intonation qui paraît pourtant naturelle de la gamme. Alors, cet hommage, j'en ai fini, rassurez-vous, avec ce résumé scandaleux de la théorie rameauiste, cet hommage de Condillac à Rameau ne doit en aucun cas être sous-estimé. L'explication génétique du système théorique et pratique de l'harmonie est en fin de compte, pour Condillac, plus avancée que l'analyse des opérations de l'âme qui fut tentée dans l'essai de 1746. Sur cette première tentative, je procède à marche forcée pour continuer d'obéir à Marion et Élodie. Je voudrais produire quatre remarques. Premièrement, qu'est-ce qui, au regard d'un empirisme, qui est un empirisme ici génétique, songez à une distinction que j'ai proposée ailleurs, est essentiel pour constituer un système? L'ordre de l'invention. L'ordre de l'invention dit la vérité systématique de la théorie, qu'il ne revient pas à l'unité d'un principe général organisateur de nous livrer. Deuxièmement, cet ordre de l'invention ne se calque pas sur l'exposé concret de la théorie, qui, chez Rameau, ou sur l'histoire concrète de l'exposé de la théorie. Une histoire qui emprunte des détours, qui mobilise différents moyens, etc. Alors, en lui-même, j'insiste sur le fait que ce décalage n'est guère gênant. Une discussion intéressante serait de se demander s'il y a une raison sérieuse pour penser que l'ordre factuel, empirique, au mauvais sens du terme, d'élaboration d'une théorie serait plus vrai que la réécriture livrant l'ordre logique de l'invention, c'est-à-dire l'enchaînement des propositions à partir d'un principe sensible donné au départ. Alors, ça paraît une position étonnante de dire que ce décalage-là n'est pas gênant, mais il est préférable de s'y rendre attentif, sans quoi on ne comprend tout simplement pas l'histoire de l'empirisme continental au XVIIIe siècle. Je veux dire par là que c'est de ce décalage que naît l'empirisme de Condillac et de ses successeurs, c'est-à-dire du fait de passer de ce que Leibniz appelait pour critiquer la démarche lockéenne l'histoire de nos découvertes, passage de l'histoire de nos découvertes à l'ordre analytique. La vraie question, évidemment, est de savoir ce que vaut cette reconstruction. Eh bien, s'agissant de la théorie harmonique, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a été féconde, c'est qu'elle a marché. Je veux dire que la reconstruction résonancielle, si j'ose dire, de la théorie harmonique, est le modèle qui s'est imposé à tous les traités d'harmonie après Rameau. Ce n'est pas vraiment un modèle ramiste, mais c'est le modèle qui a fonctionné. Troisième remarque, la théorie ici accède au niveau systématique via l'emprunt à une autre théorie, et même à deux autres. L'acoustique expérimentale, qui révèle et explique la formation des sons harmoniques, et la physiologie de l'audition. Là, il faut me croire sur parole. Et ça n'est qu'en incorporant ces données que l'on constitue ces versions empiristes de la théorie musicale. Quatrième et dernière remarque sur cette première version de l'exigence systématique appliquée à une théorie existante, des difficultés demeurent, nous dit Condillac. Des difficultés qui, d'ailleurs, pour d'autres auteurs, vont constituer des objections dirimantes, puisque l'analyse génétique ne peut pas rendre raison de certaines ressources essentielles dans l'écriture musicale. Pour ceux qui font de la musique, il y en est une qu'on ne peut pas dériver de l'expérience de résonance, ça n'est rien moins que la dissonance harmonique. C'est quand même très ennuyeux dans une théorie de la tonalité. Mais, si on lit bien Condillac, on constate que le système vaut beaucoup moins, pour rejoindre les questions abordées ce matin, par sa complétude que par l'ordre analytique général auquel il se conforme. Autrement dit, le système existe du moment que la théorie relève d'une exigence systématique présumée raisonnable, on part de faits et non de principes généraux, même si des zones demeurent irréductibles dans cette théorie. J'y reviendrai en conclusion. Venons-en à une autre lecture qui a trouvé dans la théorie harmonique de Rameau l'exemple d'un système qui, par ailleurs, était érigé en modèle. Venons-en à la lecture structuraliste. Alors, en apparence, cette lecture nous offre un retour à la vérité de la théorie harmonique. Lévi-Strauss a le mérite de saisir que les découvertes positives essentielles en matière de théorie musicale de Rameau sont exposées dans son premier traité. Quoi qu'il en soit, des présentations rétrospectives que Rameau a produites ultérieurement et que Condillac a nettement privilégiées. Alors, d'où vient que Lévi-Strauss se soit ainsi enthousiasmé pour la théorie harmonique de Rameau? L'une des thèses centrales de Rameau, c'est que ce qu'on appelle le son fondamental dans un accord continue d'exercer sa fonction même lorsqu'il n'est pas donné en personne dans l'harmonie, même lorsqu'il n'est pas joué à la bonne octave, même, pour employer évidemment le terme qu'on attend, même s'il a fait l'objet de transformation. Tous les accords que nous disons être renversés ont pour son fondamental le même son fondamental et donc la même structure. L'indépendance de ce que Rameau appelle le fond de l'harmonie, il ne parle pas de structure de fond, mais de fond de l'harmonie, par rapport à la figure concrète de l'accord, et surtout le fait que, par exemple, le centre harmonique, déterminant la structure, exerce sa fonction même s'il n'est pas présent, tous ces caractères suggèrent que quelques accords fondamentaux joue le rôle de structure en deçà des modifications empiriques qui, elles, servent l'expression, sont requises par le goût, etc. Et c'est la raison pour laquelle Lévi-Strauss identifie dans la théorie du renversement des accords la première mise en œuvre de la méthode structurale. Alors je cite cette fois-ci le passage le plus frappant que j'avais en tête, chapitre 7 du même ouvrage. En appliquant, sans encore la formuler, alors il lui donne en réalité un autre nom, renversement, en appliquant sans encore la formuler la notion de transformation, Rameau divisa par 3 ou 4 le nombre des accords reconnus par les musiciens de son temps. Il démontra qu'à partir de l'accord du ton majeur, on pouvait engendrer tous les autres comme autant de renversements du premier. L'analyse structurale suit la même démarche quand elle réduit le nombre des règles du mariage ou celui des mythes. Elle ramène plusieurs règles ou mythes à un même type d'échange matrimonial ou à une même armature mythique différemment transformée. Alors, cette présentation, sous la plume d'un excellent connaisseur de la musique, peut étonner ceux qui s'y intéressent par son aspect nettement simplificateur. Ce qu'il faut voir, c'est que dans ce passage, Lévi-Strauss, au fond, procède par métonymie. Il parle des renversements de l'accord majeur, mais au fond, il comprend bien que le renversement n'est qu'une forme de transformation parmi d'autres chez Rameau. Ça, c'est pas une vraie objection. En outre, il y a deux accords irréductibles chez Rameau, le majeur et le mineur. Il y en aura un troisième, l'accord qui porte la dissonance harmonique. Tout ça n'est pas l'essentiel, Et les justifications positives ne manquent pas à une interprétation structuraliste de la théorie harmonique qui, d'ailleurs, a existé. Rameau, de fait, groupe toutes les harmonies possibles en classes ou ensembles qui permettent leur saisie synoptique. Il ramène les formations harmoniques à un nombre aussi restreint que possible de formations types dont toutes les autres peuvent être dérivées. Et cette entreprise produit plusieurs résultats significatifs. Des identifications génétiques, l'établissement de rapports qui n'étaient pas connus entre des accords composés des mêmes sons, et l'interprétation des accords dissonants et de leur structure. Mais restent d'autres difficultés qui regardent davantage les problèmes qui nous réunissent ce matin. Premièrement, l'acquis essentiel de la théorie ramiste étant compréhensible comme une analyse structurale, selon Lévi-Strauss, toutes les évolutions survenant dans l'exposé de cette théorie, et davantage encore le fait que ces objets réputés fondamentaux, les accords, soient eux-mêmes le produit d'une histoire, le fait encore plus grave que l'harmonie ne saurait se réduire, si l'on considère son histoire, au principe d'une écriture par accord, tout simplement. Tout cela est mis de côté. Deuxième remarque. Aucune allusion n'est faite à la dépendance du système de l'harmonie à l'égard d'autres théories, d'autres domaines théoriques, comme la théorie des proportions ou l'acoustique. D'autres domaines théoriques qui, pourtant, sont successivement mobilisés dans les exposés des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'en va pas du tout de même lorsque Lévi-Strauss, évidemment, rend lui compte de l'application de la méthode structurale aux relations sociales, puisque, est-il besoin de le rappeler, il se réfère alors à la linguistique, et surtout, c'est ça qui m'intéresse, un changement fondamental survenu dans l'histoire de cette discipline, c'est-à-dire l'invention de la phonologie. Je vous renvoie sur ces points au premier chapitre de l'anthropologie structurale. Mais il se trouve que ces observations, évidemment cruciales, ne sont pas élevées au rang de conditions nécessaires de l'analyse structurale. Et il est permis, me semble-t-il, de mettre ce point en relation avec la conception assez étrange que Lévi-Strauss paraît entretenir de l'histoire s'agissant non pas des structures, ça c'est un point, un vieux problème que je ne reprendrai pas ici, mais de la possibilité d'en produire une compréhension. Le cas de la théorie harmonique évoque ainsi une curieuse préfiguration, irréprochable en elle-même, mais demeurée sans suite, livrée comme un fait par ce que Lévi-Strauss appelle, sans beaucoup d'égard semble-t-il, l'histoire des idées. Ben, ce que l'histoire des idées soulignerait plutôt, en l'occurrence, c'est que l'anhistoricité de l'analyse structurale qui permet de l'identifier chez Rameau à 2 siècles de distance est liée à l'absence d'une interrogation plus générale sur l'application des théories les unes aux autres. Évidemment, ça peut surprendre ce que je dis là, ça peut peut-être scandaliser, s'agissant d'un auteur qui se réclame de la linguistique, mais c'est de fait. Il n'y a pas une réflexion sur les modalités d'application d'une théorie à l'autre. Troisièmement, troisième remarque, c'est pourtant ce changement externe relatif aux relations qu'entretiennent les théories qui fait la condition de possibilité de la méthode structurale et de sa généralisation à d'autres domaines, puisque la phonologie permet de soutenir que les parties affectées en elles-mêmes d'une neutralité de principe ne reçoivent leur signification que de leur inscription dans la structure. Bien, en réalité, c'est en ce point précis, me semble-t-il, que nous atteignons la différence la plus intéressante entre les deux présentations retenu ici d'une exigence systématique appliquée à la théorie musicale. Parce qu'au fond, Lévi-Strauss voit bien qu'il manque à l'idée que l'analyse structurale serait préfigurée dans la théorie musicale de Rameau, dans la théorie harmonique de Rameau, l'équivalent de la révolution phonologique. Et il est très remarquable qu'ailleurs, il tâche de trouver chez d'autres auteurs du XVIIIe siècle ce qui constituerait l'équivalent de la révolution phonologique, ça risque pas d'être sauvé sous ma plume ça, de la révolution phonologique en théorie musicale. Je cite, on peut dire que dans l'histoire des idées, une deuxième fois, alors l'auteur en question c'est Chabanon, je le laisse de côté ici, on peut dire que dans l'histoire des idées, une sonologie anticipe et préfigure la phonologie. Alors, l'idée, quelle est-elle? C'est que, effectivement, chez Chabanon, on trouve l'affirmation suivant laquelle un son n'est rien en lui-même, mais n'acquiert de signification musicale qu'en fonction des relations où il se trouve inscrit. À dire le vrai, on pourrait trouver, mais je pense qu'il y a une erreur sur ce que dit là Chabanon, on pourrait trouver ailleurs des définitions apparemment structurales de l'accord beaucoup plus nettes que chez Chabanon, ainsi chez Rousseau, dans une page qui n'a jamais été exploitée, mais qui est stupéfiante, je cite Rousseau, « On voit que le système harmonique n'est point composé de parties qui se réunissent pour former un tout, c'est très saisissant, mais qu'au contraire, c'est de la division du tout ou de l'unité intégrale que se tirent les parties, que l'accord ne se forme point des sons, mais qu'il les donne. » C'est très saisissant, cette citation de Rousseau, sauf que ça veut dire le contraire. Ici s'effectue, au fond, l'inflexion essentielle que j'ai en vue. Car le vrai sens de cette citation, c'est précisément pour établir que l'accord, en tant que microstructure, est lui-même le fait élémentaire. Dans une perspective empiriste, celle qui m'intéresse ici, le fait élémentaire n'est pas affecté d'une neutralité telle qu'elle le conduirait à dépendre entièrement de la structure pour servir un sens. Bien au contraire, il est conçu comme déterminé. Que cette détermination soit par ailleurs flanquée d'un caractère de naturalité est, à mon sens, en réalité, secondaire. On pourrait d'ailleurs montrer que cette postulation de naturalité est elle-même historique et que, tout au contraire, les théoriciens de la musique de l'âge classique ont tous, de Descartes à Huygens, essayer de rendre compte de l'évolution historique affectant les unités minimales de l'écriture musicale. La conception empiriste, dont je saute quelques points que j'avais prévus puisqu'on vient de me faire passer un mot, vous voyez que je l'ai lu. La conception empiriste, donc ce qui m'intéresse c'est le statut de ces faits élémentaires. Plutôt... Le point qui m'intéresse réside donc dans le statut de ces faits élémentaires qu'une conception structuraliste de la systématicité affecte, sur la base de la phonologie par exemple, d'une neutralité principielle, en sorte qu'ils n'ont de sens que repris au niveau structural, et ceci en linguistique comme à propos des structures sociales. La conception empiriste du système est en apparence plus faible, puisqu'elle privilégie l'ordre de l'invention sur l'unité du principe structurant. Mais elle a, à mon sens, le mérite d'échapper au danger essentiel qui hante l'exigence de systématicité, c'est-à-dire l'idée que les parties n'ont pas d'autre caractère que celui qui leur permet de s'insérer à une certaine place dans la structure. Et, de surcroît, je crois que c'est ici que se loge le danger connexe de l'anhistoricité. L'empirisme affecte les parties de détermination primitive qui, ne se révélant que dans une genèse, conditionnent leur capacité à s'insérer dans une forme. Alors, si vous me donnez le temps de conclure, je produirai trois remarques sans pouvoir tout à fait développer ce que je viens de suggérer, en récapitulant ce que je viens de vous dire. Dans le domaine des faits, y compris à mon avis des faits textuels, la systématicité d'une théorie ne relève pas de l'univocité d'une structure interne, mais de son rapport à d'autres théories. Elle reçoit son modèle du dehors, d'une autre théorie, et consciemment ou non, elle en retient des éléments ou des événements. Ce qui signifie aussi bien qu'elle en réécrit l'histoire pour effacer la sienne, à partir du moment qu'elle revendique le passage à la systématicité. Et cet effacement, au fond, s'étend à des parties qui ne recevraient leur sens que de leur inscription dans la totalité. À l'inverse, si l'on se donne pour but, non pas de produire une théorie générale des théories empiriques, l'idée d'un tel système des systèmes, elle paraît plutôt caractériser Lévi-Strauss, et c'est elle qui lui permet d'identifier une analyse structurale chez Rameau. Mais d'une façon plus modeste, si on se donne pour but d'acquérir une conscience claire de l'exigence systématique dont ces systèmes locaux portent témoignage, eh bien, on peut dire qu'une telle exigence caractérise le moment où une théorie prend conscience, c'est-à-dire, en comprenant qu'une telle exigence caractérise le moment où une théorie prend conscience de son caractère de totalité unifiée, alors, si l'on se donne ce but, trois exigences me paraissent s'imposer. Premièrement, il faut proposer des hypothèses sur l'histoire que recouvrent les discours fondationnels, sans conférer à cette enquête génétique le schéma téléologique qui, évidemment, en annule tout l'intérêt. Deuxièmement, cette analyse historique ne saurait se limiter aux principes généraux, et au contraire, je crois qu'elle doit essentiellement porter sur les éléments, sur les parties. En effet, toute théorie sérieuse ne manque pas d'introduire de l'ordre dans le domaine ou le corpus qu'elle considère. Encore heureux, en un sens. Mais il demeure que ce qui en elle relève d'une postulation proprement systématique réside plutôt dans l'idée d'une disposition des parties élémentaires à s'intégrer dans la théorie, et la démarche historique, en l'occurrence, consiste dans une sorte de généalogie de l'élémentaire qui doit dissiper cette illusion. Il s'agit de rendre lisible l'histoire des faits prétendument irréductibles et neutres, ainsi que les dispositifs qui ont permis d'effacer cette histoire. Troisième remarque encore programmatique, on doit évaluer précisément les rapports que les théories entretiennent, car eux-mêmes ne relèvent pas d'un schéma univoque et sont historiquement situés. Le tout n'est pas de dire que, par exemple, la méthode structurale en sociologie retire des bénéfices de la révolution phonologique en linguistique. Ce qui est le plus frappant, me semble-t-il, dans le premier chapitre, par exemple, de l'anthropologie structurelle, c'est l'incroyable flou conceptuel caractérisant le rapport d'une théorie à l'autre. Elle prend des matériaux, puis en réalité ce ne sont pas les matériaux, c'est une méthode, puis en réalité ce n'est pas une méthode, c'est à nouveau un certain schème. Je crois que ces rapports de théorie à théorie sont susceptibles de différentes figures historiquement situées. Il peut s'agir d'emprunter un matériau, il peut s'agir d'affirmer des relations de subalternation, il peut s'agir de revendiquer l'application d'une théorie à une autre, mais là encore, le système ne se comprend que de l'extérieur. Merci. Merci André Charac pour cet exposé qui nous ouvre d'autres perspectives. Et je me permets de faire une petite page de publicité pour la revue Labyrinthe, puisqu'il y a quelques années, je crois que c'était en 2005 ou en 2006, nous avons publié un numéro sur la cognition, où figure un article qui prolonge de manière très intéressante, me semble-t-il, votre exposé. C'est un article de Michel Gribinski sur musique et cognition, et qui va notamment jusqu'à la musique dodécaphonique, et vraiment qui a des liens très forts avec ce que vous dites, et qui largement une perspective historique. Voilà, donc avez-vous des questions? J'imagine que oui. Et je précise juste que cet article est disponible en ligne sur notre site. Voilà. Pardon, monsieur. Moi, ce qui a paru fascinant dans l'exposé, par la fin où je sens que tu synthétises ces problèmes, c'est la citation initiale. Et je crois que dans celle-là, enfin dans ce qu'on y a curieusement un mot, on voit assez bien au fond ce qu'on attend d'habitude de penser un système et ce qu'on devrait en attendre au contraire. D'habitude, on attend de l'auteur d'un système, et que si on fait sur un système, une élucidation du mot système et de ce que ça implique. Or, il me semble que ce qui est remarquable dans la citation de question, c'est que le mot essentiel, c'est pas système, c'est mot difficulté. Bien sûr. Et, Condillac, au fond, montre un assez haut degré de lucidité théorique quand il dit que, certes, le système de Rameau souffre des difficultés, il faut en conclure au sens du terme, mais que, précisément, ces difficultés vont être aplanies s'il est suffisamment développé. Et je crois que ça va nous faire réfléchir au fait que le degré de saturation et de la complétude d'un système est moins intéressant, peut-être, que la façon dont il envisage, théorise, et résout le problème de ses propres, alors difficultés, obstacles, comme vous voudrez, on en parlait tout à l'heure chez d'autres auteurs. La façon la plus plate, évidemment, ou la plus rase, consistant à dire qu'il n'y en a pas. Qu'il n'y en a pas, quelles sont des inventions. Le degré suivant étant de dire qu'il y en a, mais qu'elles sont résolues par le développement du système, c'est la formule citée. Et un troisième consistant à dire qu'il est normal qu'il y ait des contradictions, des difficultés à l'intérieur du système. Et je crois qu'effectivement, la lucidité de Condillac, elle tient à ça, au fait que pour lui, il n'y a pas de système sans difficulté. Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de système sans accro à la systématisation. Et qu'au lieu que cet accro soit regrettable, au contraire, c'est lui qui permet au système de se développer. Je ne saurais mieux dire. Le point important, c'est que ce constat-là, c'est-à-dire le fait que, avec cette contribution, la théorie harmonique atteint l'état d'un système. Ça sortit toujours de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire du constat des difficultés. Alors, dans certains cas, comme celui de Condillac, on maintient l'affirmation de la pertinence d'une méthode, la méthode analytique, pour dire que ces difficultés sont comme un programme. Ça ne relève pas d'une naïveté, mais au contraire d'une grande lucidité, puisque un programme de ce genre définit une bonne partie de l'histoire de la théorie musicale dans les décennies et même le siècle et demi qui suivra. Une autre façon, elle aussi assumée, une autre attitude, elle aussi assumée par un empiriste, est représentée par D'Alembert, qui, en fonction des difficultés, c'est-à-dire, très précisément, de ces zones, de ces sous-ensembles de la théorie qui ne sont pas intégrés par le principe de son interprétation systématique. Il y a évidemment une théorie de la dissonance harmonique, très élaborée, mais il se trouve que cette théorie de la dissonance harmonique n'est pas récupérable sous le principe systématique qui a permis de présenter cette théorie générale de l'harmonie comme un système. Alors, un D'Alembert, lui, tire argument de cela pour établir une sorte de hiérarchie entre les systèmes. Il y a des systèmes qui sont entièrement analytiques et démonstratifs, et des systèmes qui n'ont pas d'autre rang que ce qu'on appelle tout de même système à l'âge classique. C'est un des sens, on en parlait avec Chantal ce matin, mais un des sens du terme tout au long de l'âge classique, c'est-à-dire une méthode de classification. L'article système de l'encyclopédie, il porte d'abord sur les méthodes de classification de l'histoire naturelle. Que dit D'Alembert, la théorie harmonique de Rameau est bien un système, mais comme il y a des systèmes pour classer les plantes, qui est une autre interprétation possible de ces zones qui demeurent irréductibles à la réinterprétation systématique d'une théorie. Je vous remercie. Alors vraiment une question brève et une réponse brève, s'il vous plaît, parce que nous avons quand même pris déjà pas mal. Alors, monsieur. Merci pour ce qui est posé. Par rapport au système, il me semble que dans la définition de l'école de système, il y a aussi cette orientation très négative que D'Alembert et déjà aussi Fontenelle ont critiqué, qui c'est de ne pas faire de système, et de système comme finalement les tourbillons de Descartes, compris comme système ou comme fiction en fait, pour expliquer quelque chose, mais en inventant quelque chose qui ne peut plus être trouvé de façon entière. Et l'ambiguïté du thème du concept de système, il me semble, est aussi vu par Condillac, et surtout dans ce que dit ensuite par D'Alembert et consorts. Donc, tandis que chez Lévi-Strauss, est-ce qu'il y a cette ambiguïté encore d'un concept de système ? Oh, ça, j'en sais rien du tout, mais le point qui est fondamental au XVIIIe siècle, et qui permet de comprendre la spécificité de ce que j'ai appelé ailleurs l'empirisme franco-berlinois, c'est que le terme système a un sens parfaitement positif et légitime, autant qu'il consiste à exposer une théorie suivant la méthode analytique et qu'on se donne pour exigence de ne pas se tromper sur les faits primitifs. Dans ce cas-là, évidemment, l'empirisme a vocation à constituer des systèmes. C'est ce qu'il distingue de... c'est quand même la distinction la plus fondamentale qui existe entre cette tradition qui, en réalité, via Condillac, retient les leçons de la critique leibnizienne de Locke, laquelle fut diffusée bien avant la publication de Nouveaux Essais. La différence la plus fondamentale par rapport à Hume, c'est cette exigence de conformer l'ordre d'exposition, par exemple du système des connaissances, à l'ordre d'invention. C'est ce que Hume choisit précisément de ne pas faire, et il le dit. Donc, je pense qu'il faut se départir, en réalité, d'une lecture trop simple qui consisterait à dire le système, c'est pas bien. La distinction que vous avez en tête, évidemment, c'est celle que D'Alembert fait lui-même entre l'esprit systématique, qui, lui, sait reconstituer ses genèses et ses histoires raisonnées, et écrire ses histoires raisonnées, et l'esprit de système, qui part de principes généraux ininterrogés, et prétend exposer une science selon la synthèse. Alors évidemment, ensuite, il y a des situations beaucoup plus subtiles, parce qu'un mathématicien de la hauteur de D'Alembert ne peut pas croire qu'il soit très raisonnable d'espérer produire une exposition analytique complète des éléments de la géométrie. Bon, mais ça, ça nous fait entrer dans d'autres problèmes. Jean-François, vous, monsieur, vous avez une question? Oui, allez-y, bien sûr. Ma question, sur le discours aussi fait, parce que j'ai entendu cet exposé comme une réfutation en règle de l'épistémologie, de la théorie de la science de Lévi-Strauss. Et donc, j'entends bien les exemples qui étaient pris d'ailleurs alimentent cela, que cette réfutation vaille. Disons, Lévi-Strauss de l'anthropologie structurale et plus ancien. En revanche, ensuite, d'une certaine manière, il a répondu à tes objections en te donnant raison avec sa théorie du bricolage. Oui. Finalement, le bricolage justifie que l'on puisse faire ce que toi, tu lui dis qu'il n'a pas le droit de faire. C'est assez vrai. Mais il y a deux difficultés qui, à mon avis, quand même, ne sont pas... qui s'articulent, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Je ne reviens pas, parce que ça ne m'intéresse pas, ou plutôt ça m'intéresse éminemment, mais je n'ai rien de nouveau à en dire, sur le problème de l'histoire. J'ai pointé quelque chose qui, à ma connaissance, n'est pas souvent souligné, c'est la conception quand même très étonnante et très leste que Lévi-Strauss se fait de l'histoire, même de la possibilité d'une compréhension structurale. Bon, mais je laisse ça de côté. Ce qui nous renvoie là à l'anthropologie structurale. Il y a un autre problème qui, de fait, est en partie traité avec la théorie du bricolage, étant bien entendu quand même que la revendication du modèle de la phonologie, là, elle date de 1995. Hein. Il y a un autre problème qui concerne le statut des éléments ou des parties. Et je pense qu'en réalité, ce problème est le plus important. Cette espèce de neutralité de principe, qui est évidemment très séduisante, qui, en outre, paraît s'appliquer si bien à une définition de l'accord, mais qui néglige le fait que les parties ne servent la structure qu'autant qu'elles sont elles-mêmes déformes. Pour le dire très simplement, en hommage à nosophie et à la philosophie politique, je vais le dire en philosophie politique. Au fond, je suis platonicien. C'est-à-dire que... Mais platonicien... Non. Je suis platonicien en ce sens précis que je crois que le problème, ce n'est pas seulement la structure, c'est-à-dire la justice ou le fait que la partie supérieure de l'âme ou de la cité domine. Le vrai problème, c'est la tempérance, c'est-à-dire le fait que les parties subordonnées adhèrent à cette hiérarchie-là. J'observe d'ailleurs que pour exposer le problème, il faut un traité d'éducation, c'est-à-dire en un sens une genèse.